La tête est remarquable par le grand développement des parties latérales où siègent les instincts. Et les organes les plus développés de cette région sont ceux du courage, de la détermination et de la ruse. Si nous comparons la région supérieure où siègent les sentiments moraux avec la base, siège des instincts, nous verrons que la supérieure est aplatie du haut en bas et étroite dans sa partie moyenne, d'où nous pouvons conclure que les premiers n'avaient pas assez de puissance pour résister à l'activité des seconds. Elle était dévouée et impressionnable, et il y a un assez beau développement des organes de la bienveillance et de l'idéalité. Tout dans cette organisation devait être senti avec force et exaltation. Les facultés intellectuelles, quoique présentant un beau développement, n'ont servi qu'à l'accomplissement des actes déterminés par les instincts. Pierre Dumoutier, description du crâne de Théroigne de Méricourt, 1817. On vient d'arriver dans les réserves du Musée de l'Homme et Aurélie Faure, la gestionnaire de la collection, va nous sortir le buste mortuaire de Théroigne de Méricourt. Il est sur tout en haut là-bas, j'ai besoin de l'escabeau. Mademoiselle Théroigne, l'Amazone de la liberté. Un documentaire de Jeanne Guéroux et Guillaume Baldi. Oui, je suis un peu, je dois dire, ébahie. Yannick Ripa. J'ai beaucoup côtoyé historienne. Théroigne de Méricourt, à tel point que souvent, moi, je dis Théroigne tout simplement, alors qu'elle s'appelait Anne-Joseph. Un visage extrêmement maigre, évidemment. C'est un masque mortuaire. Et pour autant, je ne reconnais évidemment rien des traits de celle qui fut appelée la belle liégeoise. Et on m'aurait demander d'identifier ce masque, honnêtement, je n'aurais pas trouvé. Ce qui, évidemment, pour moi qui ai travaillé sur cette femme, aussi bien dans son action révolutionnaire, une action d'ailleurs qu'on peut qualifier de féministe avant l'heure, et qui est aussi, et peut-être même surtout, était intéressée par son internement, sa fin de vie, moins pour savoir finalement de quoi elle était morte exactement, d'une démence liée ou pas à la syphilis, d'une absence de soins, mais surtout qu'est-ce qu'on a fait de cette démence dans l'histoire de la violence révolutionnaire, parce qu'on a beaucoup insisté sur la dimension de sa violence, hein, rappelons-nous Baudelaire, amante du carnage, et comment cette fin de vie a pu être utilisée, instrumentalisée, conviendrait mieux, pour dénigrer l'engagement de Théroigne et de son engagement, par son engagement à elle, dénigrer l'ensemble des engagés politiques, des femmes qui se sont introduites dans la sphère publique. Elle a tristement la chance de pouvoir perdurer devant nos yeux. Moi, j'en suis presque gênée. J'ai l'impression d'être une voyeuse ce matin. Et alors que une Olympe de Gouges a été guillotinée, on n'a pas évidemment la possibilité. En quelque sorte, son aliénation sauve son physique d'une disparition totale, ce qui est très poignant. Je suis de Marcourt, comté de Montague, province de Luxembourg. Mon père, qui se nommait Théroigne, était de Xoris, comté de Logne, pays de Stavelot, où tous mes parents, du côté de mon père, sont encore en qualité de paysans propriétaires. Ma mère était de Marcourt. Elle était fille de Laë, mon grand-père, et de Campinado, ma grand-mère. Ma famille, du côté du père de ma mère, sont des paysans propriétaires dans la province de Luxembourg. Thérouanne naît le 13 août 1762 à Marcourt, dans la principauté de Liège. Donc c'est un petit village, un petit bourg qui se situe environ à 70 km de la ville de Liège, dans un milieu de laboureurs opulents. Martial Poirson, historien. Ses parents sont des riches paysans, mais à la mort de sa mère, elle n'a que 5 ans, et là elle subit un parcours de déclassement. En fait, elle quitte sa famille, elle est placée tour à tour chez des tantes, des oncles, et puis elle revient dans la famille de son père, mais là, elle est la victime, comme beaucoup de femmes de cette époque, de jeunes femmes de cette époque, d'une marâtre, une belle-mère qui lui fait comprendre qu'elle n'a pas vraiment sa place dans le foyer. Donc elle repart, éprise de liberté, et là, elle va gravir tous les échelons de la domesticité. Elle est d'abord vachère, elle est ensuite bonne d'enfant à Liège, elle va ensuite être dame de compagnie à Anvers, donc on voit qu'il y a à la fois beaucoup de mobilité géographique et beaucoup de mobilité sociale. Et puis en 1778, elle va bénéficier de l'intérêt d'une riche bourgeoise d'origine anglaise, Madame Colbert, qui va vraiment procéder à son instruction, qui va lui permettre d'acquérir un certain nombre de connaissances, qui va lui donner une relativement bonne maîtrise du français notamment, et qui va lui permettre de nourrir des ambitions artistiques. Thérouanne se verrait bien devenir comédienne ou même chanteuse, et donc elle va être victime d'ailleurs de plusieurs hommes qui vont lui promettre de lui ouvrir une carrière artistique. Elle va partir d'abord en Angleterre, dans ce qu'on pourrait véritablement qualifier de rapt de séduction. Elle est victime d'un lord anglais qui va l'entretenir dans la riche banlieue de Richmond, près de Londres, mais qui finalement ne l'épousera pas, qui probablement lui aurait fait une fille, qui va mourir prématurément en 1787, et c'est probablement là aussi pour compenser à la fois le fait de ne pas se marier avec elle et de lui permettre d'entretenir son enfant qu'il va lui donner une somme d'argent conséquente qui va lui permettre de devenir rentière. Elle est quand même assez aisée. Elle a quand elle s'installe à Paris, elle a une vie, on peut dire qu'elle mène une vie plutôt luxueuse même à ce moment-là. Dominique Godinot, historienne. Donc dans les années 80. Et donc elle a comme projet de gagner sa vie dans la musique. De devenir cantatrice. Donc elle va en Italie pour prendre des cours de musique. L'Italie, un pays de l'opéra. Et puis finalement, les choses se passent pas très bien. Je ne rentre pas dans les détails. Elle se fait gruger, enfin. Et elle entend parler de ce qui se passe en France, comme beaucoup, beaucoup d'Européens. D'autant plus qu'elle fréquente quand même les milieux aisés à Gênes, à Rome, etc. Donc, on parle de ce qui se passe en France et on en parle dans toute l'Europe. Et donc, elle décide d'aller à Paris pour suivre de plus près ces événements extraordinaires qui se passent en France. En arrivant à Paris, j'ai d'abord demeuré à l'hôtel de Toulouse. Je n'avais aucune notion des droits des peuples, mais j'aimais naturellement la liberté. Un instinct, un sentiment vif que je ne saurais trop exprimer, me faisait approuver la Révolution française. Sans trop savoir pourquoi, car je n'avais aucune instruction. Je n'ai appris le peu de choses que je sais que progressivement en allant à l'Assemblée nationale. Du point de vue de la loi, les femmes sont considérées juridiquement comme des mineures. C'est-à-dire dépendantes de leur père d'abord et ensuite dépendantes de leur mari. Par ailleurs, ce qui est considéré comme leur fonction sociale dans la société, c'est être épouse et mère. Pour autant, la société d'Ancien Régime est une société mixte. Ça ne veut pas dire du tout une société égalitaire, c'est une mixité sans égalité. Mais néanmoins, c'est une société mixte, où femmes et hommes se côtoient en permanence, discutent, se retrouvent. Et puis, de nombreuses femmes travaillent. Il ne faut pas l'oublier, même ça, en fait, c'est la majorité. La majorité des femmes des milieux populaires en ville, dans les campagnes, elles travaillent, bien sûr aussi, les paysannes. D'un point de vue idéologique, les femmes sont considérées comme, non plus inférieures aux hommes. Ça, c'était le discours qui était développé dans les siècles précédents, mais à la veille de la Révolution, c'est un autre discours qui l'emporte, qui dit que les femmes... Hommes et femmes sont complémentaires dans la société. Le discours dominant assure que les hommes et les femmes sont par nature totalement différents. Physiquement, on parle du physique, leur physique est différent, c'est la nature qui l'a voulu. Et de là découlent des différences, comme on dit, morales, c'est-à-dire intellectuelles, psychologiques, etc. En 1789, le texte qui a sans doute le plus de poids dans la conscience collective, c'est Émile ou de l'éducation, donc le grand traité d'éducation de Jean-Jacques Rousseau, publié en 1762, et qui est à l'origine de cette théorie des deux sphères. Hein, selon le philosophe, qui est une des personnalités les plus en vue sous la Révolution française, eh bien, l'espace domestique est celui où règne la femme, et l'espace public est celui où règne l'homme. Donc, entendons par là que l'espace public est interdit aux femmes, et que l'espace privé est une sorte de compensation symbolique de l'absence de place qui est la leur dans la société de leur temps. Donc avant la Révolution française, on a principalement deux types de femmes qui peuvent s'exprimer, qui ont un accès à l'espace public. C'est les salonnières d'une part, c'est-à-dire ces femmes qui tenaient société chez elles dans cet espace intermédiaire qui n'est pas l'espace public mais qui n'est plus tout à fait l'espace privé, qui recevaient chez elles un certain nombre de figures influentes de leur temps, des hommes politiques, des intellectuels, des artistes, et qui pouvaient débattre d'idées et faire entendre un point de vue. Et puis à l'autre bout de l'échelle sociale, on a les dames de la halle qui sont quand même les grandes figures de l'engagement de rue avant la Révolution française. Donc les dames de la halle, c'est ces femmes qui sont qui ont des métiers de marchandes en général dans les halles de Paris, marchandes de poissons en général d'ailleurs, de légumes, de fruits, et qui ont une habitude de parole en public de par leur métier, qui ont une certaine indépendance financière et qui vont régulièrement plaider un certain nombre de causes par pétition auprès du roi. Donc on a des processions de dames de la halle, de poissardes, comme on les appelait à l'époque, ou de harangères, qui viennent porter requête au roi. Avec la Révolution s'ouvre un nouvel espace politique, hein, c'est-à-dire que l'espace social, qui était mixte, hein, devient un espace politique. Cet espace politique, les révolutionnaires n'avaient pas du tout dans l'idée qu'il soit ouvert aux femmes. Hein, c'était hors de leurs préoccupations, hors de leurs idées. Mais des femmes vont l'investir. Hein. Elles ne sont pas en retrait, elles participent. Alors qu'on ne les y attendait pas du tout, hein, elles investissent donc cet espace politique. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent intervenir dans la Révolution? Il faut d'abord bien se rappeler que les femmes n'ont pas les mêmes possibilités que les hommes d'intervention. Puisque tout simplement, elles ne peuvent être élues à aucune fonction publique, hein, députées, mais aussi toutes les fonctions publiques, les nombreuses fonctions publiques, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Elles ne peuvent pas servir dans la guerre nationale, hein, qui est un lieu de politisation, hein, de sociabilité politique très fort. Elles ne peuvent pas évidemment voter. Pour autant, elles vont se saisir de toutes les possibilités, de toutes les brèches qui existent, hein, pour, si vous voulez, justement pénétrer dans cet espace politique. D'abord en prenant la parole, en écrivant des pamphlets, en affichant leurs opinions dans les rues, en écrivant des pétitions. Autre moyen d'intervenir dans l'espace politique, c'est participer à la sociabilité politique qui se développe à ce moment-là. La grande nouveauté de la Révolution française, hein, c'est la création d'une sociabilité politique organisée à l'intérieur de sociétés populaires ou de clubs. Ces sociétés populaires ou clubs sont dans leur grande majorité masculins. Cela dit, ces clubs délibèrent sous les yeux du public, c'est-à-dire il y a autour de la salle des séances du club des tribunes ou galeries dans lesquelles des femmes prennent place. Des femmes qui ne sont pas des femmes nécessairement, là je pense aux femmes populaires, donc qui ne sont pas nécessairement des femmes lettrées, acquièrent une véritable culture politique. C'est pas une culture politique savante, livresque, mais c'est une culture politique par imprégnation pour les plus engagées d'entre elles, hein, qui se rendent aux tribunes de l'Assemblée nationale si elles vivent à Paris, dans les tribunes des clubs, etc., etc. On a tout à coup une nouvelle catégorie de femmes dont Thérouanne de Mirecourt est tout à fait emblématique, c'est des qu'on pourrait appeler des activistes en fait. Hein. C'est des femmes qui sont plutôt instruites, qui vont avoir le droit d'assister aux délibérations de l'Assemblée nationale. On sait que Thérouanne y était très assidue, qu'elle venait tous les jours assister aux délibérations de l'Assemblée nationale. Elles ont le droit d'écoute, mais pas le droit de parole, et qui très rapidement d'ailleurs vont susciter à minima la moquerie, voire une franche hostilité. Alors, Thérouanne de Mirecourt, elle a une position, je dirais, de trait d'union. C'est celle qui va vraiment faire le lien, et il y en a finalement assez peu dans ce périmètre, entre les revendications de la rue, puisqu'elle participe aux grands événements de la Révolution, en tout cas certains, pas tous ceux qu'on lui prête, mais un certain nombre, et elle est également très présente dans les assemblées, dans les clubs, donc plutôt dans une posture de lettrée. Elle est vraiment à l'intersection entre une Olympe de Gouges, hein, qui est une pure femme de lettres, une pure théoricienne, et une Claire Lacombe ou une Pauline Léon, qui sont vraiment des figures du militantisme ou de l'activisme de rue. L'Assemblée nationale me parut un grand et beau spectacle, dont la majesté me frappa. J'éprouvais des grands sentiments, et mon âme prit un nouvel essor. D'abord, je ne comprenais pas grand-chose à toutes ces délibérations. Mais insensiblement, je m'instruisis un peu. Et je parvins enfin à connaître la cause du peuple, et celle des privilégiés. Alors, mon patriotisme augmenta, à proportion que je fus persuadée que la justice et le bon droit étaient du côté du peuple. Au musée Lambinet à Versailles se trouve une des plus grosses collections de la Révolution française. Parmi elles, un buste de Théroigne de Méricourt, réalisé par Julie Charpentier en 1799. C'est une des œuvres les plus émouvantes du musée, un petit buste en terre cuite, modèle réduit, hein, on est à peu près en format 1 cinquième par rapport à la taille réelle Martial Poirson. Du visage, et c'est un hommage rendu par une femme, Julie Charpentier, à une autre femme qui à l'époque est une des figures les plus connues de la Révolution française. Alors la terre cuite donne ce grain tout à fait particulier, cette dimension quasiment vivante, cette matière qui ressemble à la chair. On est dans un buste qui n'est pas exactement dans les codes du genre, puisque on est en quart profil, avec le visage légèrement en mouvement, surélevé, hein, donc c'est pas un buste qui est en posture, comme on le fait de façon un peu académique à l'époque, c'est un buste qui rend vraiment justice à l'énergie de vie de cette femme, qui haranguait les foules, qui faisait des discours publics. Et c'est aussi un élément assez caractéristique de sa personne, c'est qu'elle suscite des descriptions très détaillées et circonstanciées par des visiteurs britanniques, allemands, autrichiens de son temps. Mademoiselle Théroigne semble avoir entre 24 et 25 ans. Elle est de petite taille, mais son expression et ses gestes ont quelque chose de masculin. On pourrait la prendre pour un jeune homme déguisé de 17 ans. Et je ne l'ai pas trouvée seulement jolie, mais aussi très désirable. Des yeux vifs, les traits du visage bien dessinés et purs, une peau claire que n'atténue aucun maquillage et des cheveux bruns couleur noisette qu'aucune poudre ne masque. De belles dents. Dans l'ensemble, elle offre une silhouette fine et sensuelle. Elle se montre toujours en habit d'amazone, s'exprime avec une incroyable vivacité et de fait, ne manque pas d'esprit. Konrad Holzner, journaliste allemand. Il me semble que pour comprendre comment Théroigne devient en quelque sorte une icône, Théroigne, Jean-Clément Martin, est une très jolie femme, historien, dans les normes de l'époque, petite, et qui s'habille extrêmement bien et qui s'habille quand elle est sur les bancs des spectateurs de l'Assemblée nationale avec une amazone, un vêtement masculin qui la fait remarquer et qui la distingue des spectatrices qui se pressaient à ce moment-là sur les bancs de l'Assemblée, qui étaient certainement pas habillées comme elle, mais habillées avec la mode de l'époque, et une mode de bourgeoise ou de la petite aristocratie. Donc, elle se distingue. Factuellement, c'est très étonnant de voir que sa réputation de femme révolutionnaire est construite en réaction peut-être à sa personnalité, peut-être à son apparence, indépendamment de l'importance immédiate des actes précis qu'elle pourrait faire dans la Révolution. Mais elle est mise au premier plan, on lui construit une réputation, et cette réputation la fabrique, la façonne et l'entraîne. Elle s'habille avec des couleurs extrêmement vives, le rouge, le bleu, le blanc, des couleurs frappantes, des couleurs qui la singularisent à l'intérieur des groupes. Elle porte un chapeau à panache de style Henri IV, donc qui est un élément décoratif là aussi un peu singulier, puisque ça correspond plus du tout à la mode du temps. Et surtout, elle porte à la ceinture, alors selon les versions, un ou deux pistolets et un sabre. ce qui là pour le coup est une transgression pure et simple de l'interdiction du port d'armes pour les femmes, qui sera d'ailleurs un des enjeux majeurs des revendications des femmes sous la Révolution française. Elle porte ostensiblement ce signe de transgression des assignations de genre de son temps. Théroigne est un personnage tout à fait Dominique Codino. Particulier. D'abord, c'est une femme célèbre hein, dès les premiers mois de la Révolution. C'est une femme qui se fait remarquer par son engagement, par sa présence dans les tribunes. Elle n'est pas la seule à aller dans les tribunes, mais elle s'y rend deux fois par jour, hein, au sens du matin, au sens de l'après-midi et du soir. Elle rencontre des députés. Elle ne fait pas partie du tout venant des femmes militantes. Théroigne, eh bien, est ce qu'on appelle à l'époque une patriote prononcée. Elle soutient le côté gauche de l'Assemblée et elle est très active, hein, c'est-à-dire c'est comme ça qu'elle est connue. En même temps, elle a comme cette particularité, c'est qu'elle n'est, par rapport à cette masse de femmes engagées, hein, c'est qu'elle n'est pas active avec d'autres femmes. Elle est quand même assez isolée. Théroigne de Méricourt est une parlementaire convaincue, en fait, du début à la fin de sa carrière politique. Elle va rester extrêmement attachée à une institution qui est dominante au début de la Révolution française, l'Assemblée nationale constituante, hein, celle qui doit produire le texte fondateur de la monarchie constitutionnelle qui s'installe après la Révolution française. Théroigne reste, du début à la fin, persuadée que c'est par cette assemblée du peuple, de représentants élus du peuple, que s'écrit l'histoire politique du pays. Et donc, elle crée un club pour pouvoir prolonger les délibérations de l'Assemblée. C'est la première femme à créer, en son nom propre, avec le député Rome, un club patriotique. Donc, c'est une femme qui croit au débat public, à la parole publique et aux instances démocratiques. Moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est son texte, je crois que c'est celui que je préfère. Il y a ce texte où elle dit, écoutez, vous siégez pas au bon endroit, faut construire une assemblée, et l'Assemblée nationale, on va la construire à la Bastille. Geneviève Fraisse, philosophe. Et là, d'ailleurs, ils vont dire, oui, c'est intéressant ce qu'elle raconte, mais enfin, finalement, oui, on va pas l'écouter parce qu'en fait, elle n'a qu'une voix consultative, enfin, ça compte pas vraiment, quoi. Et je trouve ça, c'est passionnant, parce qu'elle est très constructive. On en a fait une égérie, avec ce mot égérie qui va toujours avec les héroïnes qui transgressent les règles de leur sexe, comme on dit. Mais là, elle est d'abord toujours sur le pluriel. Et là, en plus, elle pense à l'Assemblée elle-même et elle dit « Mais non, vous êtes mal logés, enfin maintenant il faut aller construire quelque chose, place de la Bastille, puisque c'est là que tout s'est passé. » Moi, je trouve ce texte magnifique. Elle est dans une recherche de l'urgence politique que je trouve beaucoup plus fine que tout ce qu'on a pu dire, mais qu'après il y a une caricature, mais c'est tout le temps comme ça. Toute femme qui se montre se déshonore. C'est que toute femme qui se montre sort de son sexe, moi je dirais. Ça serait ma version de la lecture de Rousseau. Et ça, c'est pas possible. Nous voulons que le roi quitte Versailles et sa cour infâme. Hier piétiné la cocarde, demain la mitraille. Nous allons. On est à l'hôtel des Menus Plaisirs. Sur la plaque à l'entrée est écrit le 5 mai 1789, les députés prenaient place dans l'hôtel des Menus Plaisirs. C'est dans la salle de réunion que l'Assemblée nationale vota l'abolition des privilèges le 4 août 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 25 août 1789. Ce qui est amusant, en fait, c'est que cet hôtel des Menus Plaisirs, qui a accueilli la première assemblée à laquelle Théroigne assistait de façon assidue, se trouve dans l'actuelle avenue de Paris, qui est cette grande artère qui arrive directement sur le château. Et c'est exactement par ici que sont arrivées les fameuses marcheuses de la marche des femmes des 5 et 6 octobre 1789, venant de la halle au centre de Paris jusqu'ici, hein, donc 22 km approximativement de marche, où elles ont enrôlé un petit peu tous les gens qui se trouvaient autour, pour finir donc devant les grilles du château, dans cette scène demeurée célèbre, où les gardes suisses qui gardaient la porte de l'entrée de la cour du château, de la cour d'honneur du château, ont été assassinés. Et donc, Théroigne de Méricourt, pense-t-on, siégeait dans une séance de l'Assemblée à ce moment-là, et donc elle est descendue rejoindre le cortège après coup, et elle est arrivée finalement dans la rue, après l'entrée de ces femmes dans les appartements de la reine. Écoutez, nous voulons que le roi quitte Versailles et que sa cour infâme. Nous voulons couleur du blé. Elle est parfaitement introduite dans toute la classe politique de son temps, appréciée pour ses qualités d'oratrice, même si la plupart du temps, ses propositions ne seront pas retenues, voire seront même franchement moquées ou désavouées, y compris dans son propre camp. Et ça, c'est une chose quand même dont a beaucoup souffert Thérouanne de Méricourt, c'est de n'avoir pas pu bénéficier du soutien des patriotes, y compris quand elle fait les frais d'une violente campagne de déstabilisation et de diffamation de la part de la presse royaliste. Et bien en fait, ses amis politiques ne vont pas prendre fait et cause pour elle et vont plutôt s'amuser des préjugés sexistes, voire des pamphlets pornographiques dont elle fait l'objet, plutôt que de chercher à les démentir. Donc elle est vraiment, au bout d'un moment, dans une solitude totale, enfermée dans ses convictions et de plus en plus isolée à l'intérieur de son propre camp. Il me semble que Jean-Clément Martin, Thérouanne incarne, illustre toutes ces femmes qui dérangent le plus les hommes qui sont en train de faire la révolution de 1789. Parce que elles sont cultivées, elles sont indépendantes. Financièrement, et elles n'ont pas d'époux, elles ont traversé toutes les classes sociales et elles participent à ce mouvement qui ne réclame pas en quelque sorte d'arriver au pouvoir, mais qui réclame une reconnaissance politique et sociale que les hommes qui prennent le pouvoir en 1789, ne veulent pas leur accorder parce que ces hommes-là sont hostiles à ces catégories de femmes qui ont traversé les couches sociales et qui occupent des rangs dont les hommes sont jaloux. Je pense qu'il faut le dire comme ça. Comment voulez-vous que ces hommes qui ne veulent pas qu'on dérange l'ordre social puissent accepter, tolérer qu'il y ait des femmes si indépendantes qu'elles réclament une reconnaissance qu'ils ne veulent accorder à personne sauf à eux-mêmes. Les femmes acceptées dans les cortèges révolutionnaires sont les mères allaitantes et les jeunes filles habillées en blanc. Et on ne veut pas des veuves, on ne veut pas des adolescentes qui ne soient pas encadrées. Il y a quelque chose là qui modèle les femmes. Et quand on pense à la place que les cortèges des fêtes révolutionnaires assignent aux femmes, on comprend tout de suite que Thérouanne n'a aucune place. Courtisane de second ordre. Aucune place, c'est pas possible. Vivant conjugalement avec Populus et tous les faquins qui se présentent la bourse à la main. Cette héroïne de boudoir fait des motions dans son district. Elle trouve le roi trop bien logé et l'assemblée trop mal. Par son courage mâle, son patriotisme, sa fougueuse éloquence, elle ferait oublier son sexe et l'oublierait peut-être elle-même, sans les fonctions augustes qui le lui rappellent journellement et dont les amateurs de physique expérimentale ne lui permettent pas de se dispenser. Thérouanne de Méricourt suscite, comme quasiment aucune autre femme de l'époque, Martial Poirson, une campagne de diffamation absolument ignoble, qui s'en prend très très directement à sa personne, à sa sexualité, à ses mœurs, à sa vie privée, et à l'exception peut-être de la reine Marie-Antoinette, qui, comme on le sait, est elle-même aussi la cible de fantasmes, en particulier de pamphlets pornographiques tout à fait orduriers, Thérouanne de Méricourt est avec Germaine de Staël peut-être la seule figure de la Révolution française à être à ce point salie, puisque à partir de 1790 et pour 11 mois hein, jusqu'à l'interdiction en fait de la liberté d'expression de la presse royaliste en France, elle va être victime de 11 mois de campagnes permanentes de diffamation dans les Actes des Apôtres hein, qui sont notamment le principal organe de la presse royaliste. On se moque de ses mœurs, on la qualifie de catin républicaine, de pute de la République, on moque également ses allures masculines, on la traite de virago. Hein, donc virago, c'est le weir, c'est celle qui imite la virilité des hommes. On la qualifie de homas également. Et quand on signale sa beauté, c'est pour la rendre immédiatement suspecte en faisant une figure de séductrice qui aurait, dit-on, retourner la tête de toute l'Assemblée nationale et de tous les clubs patriotiques. Donc il y a vraiment un déchaînement à nul autre pareil, et avec d'ailleurs des accusations tout à fait contradictoires, puisqu'on dit tour à tour qu'elle serait, en termes modernes, une figure un peu érotomane, quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de séduire et de coucher avec tout le monde, et en même temps on la qualifie de frigide, une femme qui n'aurait pas de plaisir et qui donc aurait sublimé dans son engagement révolutionnaire des appétits sexuels qu'elle ne connaîtrait pas. Donc on voit que voilà, il y a tout tourne en tout cas autour de son corps, de sa sexualité réelle ou supposée. On lui prête également des amours lesbiennes comme Marie-Antoinette. Donc voilà, on retrouve tous les poncifs en fait de la littérature pamphlétaire pornographique, et on va même jusqu'à inventer une relation avec Populus. Donc Populus, c'est effectivement un député de l'Assemblée nationale, mais qui n'a aucun lien avec Théroigne de Méricourt, probablement qu'ils ne se connaissent même pas. Mais par son nom, il est choisi, hein, Populus, c'est une allégorie du peuple dans son ensemble, comme son amant, son âme damnée, celui avec lequel elle aurait donc des relations sexuelles tout à fait débridées. Et il y a donc plusieurs écrits qui vont, même une pièce de théâtre en fait, qui va raconter les frasques sexuelles de Théroigne de Méricourt avec l'infortuné Populus. Et même son nom est suspect, d'ailleurs. Théroigne de Méricourt est un faux, puisqu'elle s'appelle en réalité Anne-Joseph Théroigne, W-A-G-N-E, donc son nom est francisé en Théroigne, O-I. Le surnom de Théroigne de Méricourt, donc en francisation de son village d'origine avec la particule nobiliaire, est une invention de Louis-René Chancenet, un royaliste patenté, et qui est une façon de dire que Théroigne de Méricourt singe la noblesse, alors que peu de femmes de la Révolution française ont été à ce point hostiles à la noblesse. Non, Théroigne, non, femme incomparable, jusqu'ici, vos efforts ont été vains. Vous avez partagé la destinée commune à tous les esprits supérieurs. Votre sagesse a passé pour folie, votre courage pour témérité, votre grandeur d'âme pour insolence, et vos calomniateurs vous ont jugé non d'après ce que vous êtes, mais d'après ce qu'ils sont eux-mêmes. Une lumière excessive produit l'effet des ténèbres sur des yeux débiles. Et s'il manquait une preuve pour constater l'égalité des facultés intellectuelles entre les sexes, vous l'avez fournie en laissant voir une supériorité de génie, une force de caractère qu'au moins ceux qui vous dépriment n'atteindront jamais. Recevez en passant ce tribut d'approbation de la part d'un homme qui, ayant étudié votre conduite et vos sentiments, et patiemment écouté les calomnies que l'on ne cesse de répéter contre vous, a été surpris du contraste que ces objets lui ont présenté. Continuez comme vous avez fait jusqu'à ce jour de réfuter par vos actions les mensonges passagers de vos ennemis. Brochure anonyme publiée en 1792. Elle fascine parce qu'elle a un parcours que mes collègues vous ont rappelé, qui est un parcours d'aventurière avec cet épisode complètement fou. On l'écrirait dans un roman, on dirait, oh, mais écoutez, c'est trop, le scénario chargé, elle est kidnappée, elle se retrouve en Autriche. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est après accueillie à Paris. C'est vrai que c'est une figure de légende. Sa légende se construit au fur et à mesure. En 1790, Théroigne quitte la France parce que, alors pour plusieurs raisons, hein, parce qu'elle est menacée d'être poursuivie pour son prétendu rôle lors des journées des 5 et 6 octobre, parce que si ses économies se diminuent. Deuxièmement, elle est très intéressée par l'autre révolution qui se déroule précisément dans la principauté de Liège, où des patriotes ont renversé le pouvoir soutenu par l'Empire d'Autriche, et donc elle veut assister à ces événements qui se déroulent finalement dans sa région de naissance. Et puis, la troisième raison, c'est probablement qu'elle commence à sentir très fortement des menaces qui sont opérées sur sa vie. Hein, la campagne de diffamation dont elle fait l'objet a fait son travail, elle a peur qu'on s'en prenne à elle physiquement, et donc elle quitte le pays aussi pour se protéger. Donc elle retourne chez elle, et là, elle est enlevée par deux émigrés français, donc des contre-révolutionnaires. Elle est enfermée sur ordre des autorités autrichiennes. Les contre-révolutionnaires émigrés assurent que lors des journées d'octobre, elle aurait voulu assassiner la reine et qu'elle est une espionne que les Jacobins auraient envoyée en Autriche pour apporter la révolution française en Autriche. Elle va être incarcérée dans le château de Kufstein et elle va subir un procès qui va durer plusieurs mois. Évidemment, cette incarcération abusive est pour l'Empire d'Autriche une aubaine, puisqu'ils ont là le moyen, peut-être, pense-t-il, de soutirer des informations sur ce qui se passe en France, hein, l'Autriche étant quand même le principal pays qui cherche, pour différentes raisons, hein, notamment le fait que la reine Marie-Antoinette est autrichienne, par exemple. On est en train d'organiser la reprise du pouvoir et peut-être l'invasion de la France. Donc, l'Autriche a besoin d'informations et pense que Thérouanne de Méricourt est en mesure, par les événements auxquels elle a participé, de leur fournir ces informations. Cet enlèvement et cet emprisonnement fait quand même du bruit en France. Hein, il est connu et... Les Jacobins, notamment, demandent au ministre de faire intercession auprès du gouvernement d'Autriche, hein, pour que les Thérouanne soient libérés. Et il y a dans les journaux une campagne de presse pour obtenir sa libération. Donc à l'issue de ce procès un peu rocambolesque, Thérouanne de Méricourt est finalement gracié par Léopold II, l'empereur d'Autriche lui-même, qui d'ailleurs l'a fait venir à sa cour, et donc elle a un entretien avec l'empereur en personne qui va trancher la cause en déclarant son innocence. À son retour, elle sera accueillie avec beaucoup de chaleur, hein, au club des Jacobins. Elle est vraiment accueillie en héroïne. Hein. On parle d'elle, elle est qualifiée d'Amazone de la liberté, d'héroïne de la liberté, de martyre de la liberté, hein, puisqu'elle a été emprisonnée parce que c'est une révolutionnaire. Elle va donc jouir d'une grande audience, d'une visibilité médiatique. Elle est même accueillie au prestigieux club des Jacobins, qui à ce moment de la Révolution tient le haut du pavé. Elle peut même y tenir un discours qui est remarqué. Et elle est de nouveau conspuée par la presse royaliste. Elle devient à ce moment-là une véritable icône, une égérie révolutionnaire, une personnalité qui devient presque une métaphore de la révolution dans son ensemble. Et elle a donc, à son retour d'Autriche, une attitude très belliciste. Elle est en faveur de l'invasion de l'Autriche. Elle explique que l'invasion des armées autrichiennes est imminente et qu'il faut la prendre de court et qu'il faut donc lever une armée pour pouvoir aller battre l'Autriche. Elle développe une aversion très très profonde finalement pour ce pays où elle a été enfermée malgré elle et d'une façon, selon elle, infondée. Discours prononcé à la Société fraternelle des Minimes, 25 mars 1792. Citoyenne, armons-nous. Nous en avons le droit par la nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieurs ni en vertu ni en courage. Montrons à l'Europe que les Françaises connaissent leurs droits et sont à la hauteur des lumières du XVIIIe siècle. Françaises, je vous le répète encore, élevons-nous à la hauteur de nos destinées. Brisons nos fers. Il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité, où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps. Replaçons-nous au temps où nos mères, les Gauloises et les fières Germaines, délibéraient dans les assemblées publiques, combattaient à côté de leurs époux pour repousser les ennemis de la liberté. Le 25 mars 1792, Thérouanne de Méricourt prononce un discours qui est peut-être resté d'ailleurs le discours le plus célèbre attaché à sa personne, le discours prononcé à la Société fraternelle des Minimes, où elle appelle à la levée d'un bataillon d'Amazones françaises. Alors, elle n'est pas la seule hein, d'ailleurs à soutenir cette position, ni même la première. On sait que Olympe de Gouges a quelques mois plus tôt écrit et publié un projet de constitution d'une garde nationale féminine. On sait qu'est en train de s'organiser avec Pauline Léon et Claire Lacombe une pétition qui va être adressée à l'Assemblée nationale pour revendiquer l'armement des femmes. Mais ce discours est très significatif, d'abord parce que Thérouanne choisit de s'adresser directement aux femmes. C'est aux femmes elles-mêmes qu'elle parle. « Armez-vous, dit-elle, parce que vous en avez le droit, puisque vous en avez même le devoir pour sortir, je reprends ces mots, de l'honteuse nullité dans laquelle les hommes vous ont toujours tenu. » Donc, en fait, cet armement des femmes est un discours qu'on pourrait qualifier de façon anachronique de féministe avant la lettre, hein, puisque il prend la femme pour motrice de son histoire. C'est elles qui doivent directement prendre l'initiative sans passer par des intermédiaires. Et c'est elle qui, au nom d'ailleurs, c'est aussi présent dans le discours, de l'héritage glorieux des Gauloises et des Germaines, donc ces femmes en armes qui ont travaillé l'histoire passée, qu'elles doivent reprendre ce flambeau-là et d'une part participer à leur propre autodéfense. On sait que les femmes sont les premières victimes des débordements violents de la Révolution française, mais également assurer la défense du pays. Et ça, c'est tout à fait nouveau, hein, puisque le devoir de défendre militairement sa patrie en danger est un droit civique. Donc c'est une façon de revendiquer pour les femmes un droit civique qui leur est interdit au même titre que le vote, l'éligibilité et bien d'autres. C'est demander une reconnaissance, c'est demander aux députés qu'ils reconnaissent que les femmes sont aussi des individus politiques, sont des citoyennes. Que le mot citoyenne ne veut pas dire simplement « femme du citoyen », ce que c'était pour beaucoup de révolutionnaires, mais que citoyenne, ça veut dire aussi une femme engagée, un individu politique. Et de fait, dans ce discours qui est adressé aux femmes du faubourg Saint-Antoine, hein, la Société fraternelle des Minimes, mais qui s'adresse aux femmes du faubourg Saint-Antoine, le mot citoyenne ponctue le discours de Théroigne de Méricourt. Si on regarde de près, en fait, c'est pour faire quelle guerre ? Pour faire une guerre pour défendre la nation. Geneviève Fraisse. Pas pour faire une guerre contre les hommes. Donc c'est ça que moi j'ai trouvé intéressant dans son histoire, c'est qu'on va dire tout de suite effectivement elle veut être comme les hommes parce que elle est contre les hommes etc. Pas du tout, c'est pas son propos. Ça que je trouve très beau. Son propos c'est de dire aux autres femmes, armons-nous, nous sommes un pluriel et on va défendre la nation parce que en 93 il faut défendre la nation. Et elle en est consciente, elle a une conscience politique très grande. Donc ça, je trouve qu'on en a fait simplement une hystéro ou une hystérique et qui comme ça voulait transgresser les règles de son sexe. Mais elle est extrêmement précise et très concrète dans sa façon de transgresser. En mai 1793, Théroigne publie un autre texte, qui est le second texte imprimé que l'on connaisse d'elle, hein, dans lequel elle appelle les patriotes à rester unis. Mai 1793, on est dans le contexte révolutionnaire, on est au plus fort de l'affrontement entre Girondins et Montagnards à l'Assemblée nationale, et affrontement qui se répercute dans les sections de Paris, il y a 48 sections à Paris, donc le lieu de la vie politique locale, hein, par des affrontements entre ce qu'on appelle les modérés et les sans-culottes. Et c'est ça que déplore Théroigne. Parce que mai 1793, c'est aussi le moment où la République est le plus en danger. Les armées révolutionnaires sont en déroute. La République est vraiment menacée de mort. Elle déplore que cette division des révolutionnaires ne fragilise la France et donc elle appelle là à l'union. Théroigne apparaît à partir de ce moment-là comme une modérée. Elle symbolise maintenant un soutien féminin aux Girondins. En mai 1793, on a une très très forte agitation à l'Assemblée, puisque des autoproclamées citoyennes jacobines proches de Marat vont commencer à exercer un travail de pression en fait sur les délibérations de l'Assemblée. Elles vont filtrer l'entrée des spectateurs et des spectatrices. Elles vont faire obstruction à certaines catégories de public pour essayer de radicaliser les positions de l'Assemblée. Et dans ce contexte très très particulier, le 13 mai 1793, Théroigne de Méricourt siège, comme elle le fait souvent, sur les bancs publics de l'Assemblée et va être victime d'une violente altercation avec ses jacobines radicales. Donc elle est finalement sortie de l'Assemblée violemment, tirée par les cheveux, traînée à l'extérieur et dénudée et flagellée publiquement. Une pratique assez courante de cette humiliation publique à l'époque, mais là ça prend une tonalité particulière puisque c'est une violence exercée par des femmes à l'égard d'une autre femme dont elles sont censées partager les convictions. Donc ça va être très très marquant pour l'opinion, très très marquant pour Théroigne aussi, puisque en plus d'être flagellé, on va cogner sa tête contre le pavé, on va essayer de la noyer dans une fontaine voisine. Seule l'intervention très tardive et de mauvaise grâce de Marat va faire cesser ce qui allait tourner au lynchage. Théroigne est laissée pour morte sur le pavé, pleine de contusions et de commotions, et c'est à partir de ce moment-là que, y compris certains de ses amis, commence à reconnaître que Théroigne a des moments où sa conscience n'est plus très claire, où elle tient des propos incohérents, où elle a des moments d'absence. Donc il est probable qu'elle ait subi une grave commotion cérébrale, un traumatisme crânien profond, non résorbé, et que donc ça ait durablement altéré sa conscience. Et elle se retire très très clairement de la vie politique. Je pense qu'autour de 1793 se joue quand même un enjeu majeur qui est d'éclipser le plus vite possible les femmes de la vie politique et de l'espace public qu'elles ont fraîchement conquis. Et on voit que un certain nombre de figures majeures de la vie politique du temps vont colporter l'idée selon laquelle finalement ces revendications des femmes sont pas simplement un rattrapage de l'histoire, sont pas simplement la fin des privilèges masculinistes, mais un véritable renversement des genres. Et donc va naître à ce moment-là un très puissant mythe, le mythe du coup d'État féminin, hein, qui fait à croire que l'affirmation dans l'espace public des femmes va forcément s'accompagner d'un déclassement, d'une menace adressée à l'égard des hommes. Et ce discours, il est tenu par les révolutionnaires eux-mêmes. Il est évidemment colporté par les contre-révolutionnaires et les royalistes depuis fort longtemps, mais il va être repris dans une sorte d'improbable union entre les extrêmes opposés par le pouvoir masculin. Et tout ça culmine avec le rapport Amar, donc le député Amar, qui va faire un célèbre discours à la tribune de l'Assemblée pour dire qu'il est urgent d'interdire aux femmes l'accès aux clubs, aux assemblées, aux districts, aux réunions, et qu'il faut de toute force les renvoyer dans leur foyer. Certaines seront condamnées, certaines seront exécutées. Hein. C'est l'année où on va, quelques jours après le rapport Amar, Olympe de Gouges, Manon Roland sont exécutées. Théroigne est arrêtée en juin 1794. On ne sait pas pourquoi. On sait qu'elle est arrêtée. Il y a un dossier, hein, mais qui est très, très... Il n'y a presque rien dedans. Il y a juste arrêtée par ordre du comité de sûreté générale, 27 juin 1794. On ne sait pas pourquoi. Elle est emprisonnée pendant 6 mois. Un de ses frères demande à ce qu'elle soit libérée, mais non pas pour qu'elle puisse recouvrir sa liberté. Il a fait interner dans ce qu'on appelle des maisons de santé, c'est-à-dire des maisons qui abritaient des aliénés, comme on disait à l'époque. Est-ce que cette femme était, dès son premier internement, réellement folle ? Yannick Ripa. Moi, je pense que oui. Mais un, je ne suis pas évidemment un médecin, et de toute façon, je refuse de juger médicalement quelqu'un à partir d'un dossier que je n'ai pas. On est en pleine révolution. Quel est l'intérêt de son frère de placer cette femme ? On dit placer à l'époque, on dit pas interner. Pour la faire soigner, mais les soins n'existent quasiment pas, donc pour la protéger. Peut-être de plus de folie. Alors après, on peut se dire, est-ce qu'elle avait des biens que le frère veut récupérer et qu'il veut se débarrasser d'elle parce que cette femme est ingérable, on dirait, aujourd'hui, et que ce malheureux homme n'en peut plus. Mais pour le coup, ça s'arrête là. Nulle personne n'est en mesure de dire si l'hôpital psychiatrique a contribué à ce que son état se détériore, ou si dans une maison agréable, elle aurait été mieux. Les conditions de soins sont vraiment minimalistes. D'une part parce qu'il n'y a pas les médicaments donc chimiques à l'époque, et que la première grande caractéristique de la psychiatrie des sens, c'est d'être démunie. Les conditions sont déplorables. Il n'y a pas de place, il y a des dortoirs à n'en plus finir, on mélange tout le monde, on garde plus qu'on ne soigne. Petit à petit, on en viendra à faire de l'hydrothérapie, que je dirais de l'hydrothérapie terrifiante, puisqu'on va laisser 15h, 16h, 18h les aliénés dans des baignoires, enfermés, ce qui évoque d'ailleurs un certain nombre de ces malades, pensent qu'ils sont en passe d'être guillotinés, puisque le cercle s'arrête à la hauteur du cou, et de temps en temps, vous avez un seau d'eau qui vous tombe sur la tête, soi-disant pour vous remettre les idées en place. Donc effectivement, on est dans une démarche sécuritaire, sans doute davantage pour sécuriser la société, et le concept majeur est la dangerosité. Est-ce que vous êtes dangereux pour vous ? On pense aux suicidaires. Ou est-ce que vous êtes dangereux pour la société ? Et en général, la société l'emporte, et aussi la sacro-sainte famille. Donc ce qui est en place, C'est une immense garderie de démons. Donc on est vraiment dans rentrer dans ces structures. Lorsque vous appartenez au peuple, vous en sortez très rarement. Il y a trois visions différentes et concurrentes, on pourrait dire, des raisons de la folie soudaine de Terwang. La première, c'est l'invocation d'une maladie vénérienne, donc qu'elle aurait contractée d'ailleurs bien avant les événements, la syphilis. La deuxième vision, c'est celle qui sera reprise bien plus tard par la prestigieuse biographie d'Elisabeth Rudinesco, c'est l'hypothèse d'une mélancolie, alors à l'époque on appelait ça la mélancolie, aujourd'hui on dirait trouble maniaco-dépressif, une tristesse donc qui aurait fini par l'abîmer et qui se serait évidemment renforcée à mesure que s'enchaînaient les déconvenues et les déceptions à l'égard du processus révolutionnaire. Et le troisième motif invoqué, c'est celui donc qui a fait suite à ce tabassage public et qui aurait conduit soit à une grave commotion cérébrale, soit à un syndrome post-traumatique non résolu, puisque ces années d'internement vont contribuer, là encore, non pas à la guérir, mais au contraire à lui donner de nouveaux motifs de folie. C'est peut-être la convergence de toutes ces causes qui a conduit à l'état de démence absolue dans lequel elle a fini ses jours pendant les 23 ans durant lesquels elle a été enfermée. Hein. C'est quand même paradoxal de voir que celle qu'on appelle l'Amazone de la liberté a quand même passé plus de la moitié de sa vie entre les murs, soit d'une prison, soit d'un asile d'aliénés. À la mort de Terwang, le 8 juin 1817, vont être pratiqués deux actes forts. Tout d'abord, une dissection, son corps va être disséqué. Puis on va également faire un moulage de son crâne, un masque mortuaire qui va servir de base aux analyses phrénologiques du docteur Dumoutier. Ce pseudo-scientifique est aussitôt influencé par probablement une bonne dose de misogynie. Les femmes qui n'agiraient que par instinct, et encore il n'emploie pas le mot par l'hystérie, sachant que l'utérus est considéré à l'époque comme un organe qui aurait la capacité de remonter jusqu'au cerveau. Et ces femmes sont donc dévorées par leur instinct, entendues surtout par un instinct sexuel, c'est-à-dire que la révolution aurait libéré les instincts d'une sexualité débridée et dépravée de Terwang, et en réalité, on ne sait pas très bien si ce scientifique a utilisé ce qu'il savait de Terwang pour faire une lecture à partir de ce moulage, où il aurait été intéressant, mais c'est impossible évidemment, qu'il ait eu le moulage sans rien connaître de l'individu. Ce qui évidemment, à mon sens, aurait sans doute donné des choses très différentes. En fait, il s'inscrit dans ce que Esquirol a déjà dit. Lorsque Esquirol fait faire l'autopsie de Terwang, la demande d'Esquirol est de rechercher une malformation ou une tumeur dans ce cerveau pour expliquer l'engagement de Terwang, ce qui d'un point de vue scientifique, évidemment, nous atterre. On n'explique pas tant d'années après un engagement à partir d'une tumeur qui n'existait peut-être pas. Ce qui est intéressant, c'est simplement cette volonté de pathologiser un engagement qui est un engagement de femme. Et on ne cherche pas cette pathologisation chez les autres. Dans le cas des femmes révolutionnaires, et pas simplement en France et pendant la Révolution, on présuppose que, un, la première prédisposition à cette fureur, et on voit bien le mot, fureur révolutionnaire, c'est le sexe féminin. Une femme, au XIXe siècle, est potentiellement pensée folle. Et de ce fait, être femme est une condition qui est une prédisposition à la folie. Il faut après une espèce de déclencheur pour qu'elle bascule dans la folie. La finalité est de nier l'engagement révolutionnaire et de faire un total déni de la conscience politique des femmes. Et la révolution, pour ça, a vraiment œuvré, puisque les femmes sont les grandes perdantes de la révolution. Les femmes doivent rentrer en leur foyer, qui est leur lieu. Rappelez-vous ce qui est dit à Olympe de Gouges. Depuis quand les femmes ont-elles le droit de quitter les soins de leur foyer pour monter à la tribune? En fait, Napoléon et la réaction anti-féministe n'a plus qu'à se glisser dans le costume qui leur est préparé. Et le 19e siècle continuera à coudre ce costume à mailles très serrées. Dans un premier temps, au début du 19e siècle, on va perpétuer la campagne de diffamation crapuleuse qui avait été exercée à son égard par la presse royaliste. Les grands historiens, les Lamartine, les Michelet, les frères Goncourt, sur le plan littéraire, vont colporter, amplifier et parfois même donner un raffinement tout à fait inhabituel à ces témoignages qui sont marqués quand même, frappés au sceau d'une misogynie assez profonde. Et puis, c'est en 1900 que la légende va être un peu décapée avec un historien qui s'appelle Léopold Lacour, qui publie en 1900 la première biographie historiquement fondée de Thérouanne de Méricourt. Et là, à partir de là, le mythe va évoluer vers plus de vérité historique. On a en 1902, juste 2 ans après le grand drame historique de Paul Hervieux, interprété par l'immense comédienne Sarah Bernard, qui va jouer le rôle titre de Thérouanne de Méricourt. C'est que moi, j'incarnais la révolution. J'étais carré de belles couleurs blanches, rouges et bleues. Je tendais vers l'univers de ma fraternelle. Et là, on a vraiment une première pièce qui va essayer de s'ancrer dans les archives. D'ailleurs, la version imprimée de ce texte va être très, très documentée. On a des notes en bas de page partout qui renvoient au témoignage. Donc, on est vraiment beaucoup plus au plus juste, finalement, de son histoire, avec une vision qui va faire d'elle une héroïne sacrificielle. Ça n'est plus la harpie assoiffée de sang, c'est l'héroïne sacrificielle, celle qui a voulu s'élever au-dessus de son genre, au-dessus de sa condition, et qui a été broyée par l'histoire dans une vision très très imprégnée par la mystique chrétienne. Et puis ensuite, il faut bien dire qu'à part le film d'Abel Gance en 1927 sur Napoléon, dont elle est un des personnages importants, puisque le rôle de Thérouanne de Méricourt est interprété par la propre femme du réalisateur, Abel Gance, on a quand même un relatif silence. Elle est peu à peu remplacée, si on peut dire, par l'image d'un homme de gauche, comme la femme révolutionnaire dans les années 1980. Désormais, on parle des femmes dans la Révolution, mais malgré tout, comme si il ne pouvait y avoir qu'une femme célèbre qui représente les femmes révolutionnaires. Il y a eu Thérouanne de Méricourt. Après, on préfère une femme qui soit plus intellectuelle, qui n'est pas morte folle, mais qui est morte guillotinée, donc une martyre, entre guillemets, de la Révolution. Donc, quelqu'un dans lequel les féministes du XXe siècle peuvent beaucoup plus se projeter. Et puis en plus, qui a écrit des textes forts. On comprend pourquoi des textes importants. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que finalement, le fait que Olympe de Gouges apparaisse comme la femme révolutionnaire, fait que Thérouanne de Méricourt, qui apparaissait comme la femme révolutionnaire, a disparu de la mémoire collective, disparaît progressivement de la mémoire collective, alors qu'il y a quand même place dans la mémoire collective pour plusieurs hommes révolutionnaires différents. Et là, à tel point d'ailleurs qu'Olympe de Gouges, on va lui donner, on reconstruit aussi le personnage d'Olympe de Gouges aujourd'hui, pour en faire une héroïne révolutionnaire, on lui donne des caractéristiques qui n'étaient pas les siennes. Elle aurait été très engagée, non, elle n'était pas très engagée, elle était plutôt modérée. Vous voyez, donc il y a un seul personnage de femme qui peut représenter les femmes pendant la Révolution, alors qu'il y a quand même toute une diversité de femmes. Et Thérouanne de Méricourt en fait partie, bien sûr, au premier chef de ces femmes révolutionnaires. C'était Mademoiselle Thérouanne, l'Amazone de la liberté. Merci à Dominique Godineau, Yannick Ripa, Geneviève Fraisse, Jean-Clément Martin et Martial Poirson. Merci au musée Lambinet à Versailles et au musée de l'Homme. Mademoiselle Thérouanne, interprétée par Sandy Boisard. Archivina, Delphine Desbiens. Prise de son, Dali Yaha et Élise Leu. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Réalisation, Guillaume Baldi. Un documentaire de Jeanne Guéroux pour toute une vie.